Émile Bergerat, Contes féeriques et rustiques, L'enfant perdu. À une portée de fusil du hameau breton que j'habite, il y a une ferme importante appelée la ville Ernaux, du nom de son fermier, ou plutôt de sa fermière, Jacquemine Ernaux, car Pierre Ernaux est mort l'an dernier, Dieu ait son âme. Établie dans une espèce de manoir, d'ailleurs sans caractère et d'un style hybride, la métairie se relie par de hautes futaies de châtaigniers et des allées magnifiques à cette forêt de pontuales, sombre et légendaire, qui fut et redeviendrait au besoin un repère de chouans. Un doué, ou ruisseau aux eaux intermittentes, sépare le corps d'habitation de ses dépendances, potagers, vergers, étables et prairies. Il aboutit à un vivier devenu une canarderie tumultueuse, comique, toujours en bataille d'ailes ou de bec. Un radeau, vert de graminée, y flotte et se déplace, et c'est sur le pont rustique qui la traverse que, le soir, au soleil tombant, la mère Ernaux préside à la rentrée de ses vaches. Les enfants qui les mènent avec des baguettes de coudrier ont l'air de les pousser avec des rayons. Puis c'est le tour des chevaux, reconduits à l'écurie par les gars de la fermière. Elle les voit venir, blancs sur le vert bruni des sentes, écartant du garrot les éventails des fougères, et quand ils ont bu au dormoir, chacun à leur tour, elle est contente et elle s'en va à la soupe. Au loin, l'orchestre de la mer enfle ses rumeurs, et les lignes violettes des bois tremblent à l'horizon. La mère Ernaux a 7 enfants. Elle les a tous allaités, élevés et gardés. Elle les aime profondément. Il l'aime également. Ah, Verdame, oui, par exemple. Et cependant, elle est toujours triste. Nul ne peut se vanter de l'avoir vue une seule fois rire ou chanter au rouet, et non seulement depuis la mort d'Ernaux, mais même auparavant. Une ride creuse comme une ornière lui fait 2 fronts sous un seul bonnet, et ils ne savent pas, les gars, ils n'ont jamais su la cause de sa mélancolie. Ernaux non plus ne l'a pas su, le pauvre cher homme. Quand, de son vivant, il la surprenait les yeux perdus, l'ouïe tendue au bruit des chemins et l'âme toute hors du corps, il soupirait et lui disait « À la fin des fins, Jacquemine, n'es-tu donc pas heureuse ?»« Très heureuse, Pierre, tout va bien. » Mais elle repartait à rêver. Alors il branlait la tête et s'en allait fumer sa pipe au bord de la canarderie. Une seule chose l'attirait de son brouillard. Régulièrement, au temps de la moisson, quand on embauche des gars pour les travaux de la récolte, elle s'activait. C'était elle qui recevait ceux qui venaient se proposer à la ferme, qui traitait avec eux et leur versait la bolée de cidre. Elle les examinait longuement, anxieusement, les tâtait et les faisait causer. Ceux qui avaient 20 ans étaient tous pris et acceptés, fussent-ils ivrognes avérés et fainéants reconnus. S'ils n'avaient pas d'outils, elle leur en procurait, et s'ils prolongeaient plus que de raison la sieste de 4 heures, elle empêchait Ernaux de les malmener. Un jour, il en vint un qui était faible et contrefait, un pauvre diot, comme on dit ici, plus propre à mendier son pain qu'à le gagner. « D'où es-tu ? » lui demanda Jacquemine. « De Saint-Brieuc. Ton nom ? Je n'en ai pas, je somme enfant trouvé. Sors-tu de l'asile ? D'âge en sortions, comme vous me voyez. » L'infortuné avait les 20 ans requis. La fermière devint pâle et s'accrocha à la table pour ne pas défaillir. « Je te garde, lui dit-elle. Tu vas rester ici et je te nourrirai. » Elle s'empara du diot, le décrassa, l'habilla, le fit coucher dans sa chambre. Il resta 1 mois entier à Ville-Ernaux, inutile et béat. Il y serait encore si Ernaux ne l'avait, un soir, remis sur le chemin de Saint-Brieuc. Il retourna à l'asile et il conta son aventure aux enfants trouvés. De telle sorte qu'à l'août suivant, il amenait 4 camarades à l'embauche. Mais comme, sur le nombre, il n'y en avait que 2 qui eussent 21 ans, elle envoya les 2 plus jeunes à la fauche et ne garda dans la ferme que les 2 autres. 15 jours, ils y vécurent comme coqs en pâte. Jacquemine, silencieuse à l'ordinaire, les harcelait de questions bizarres, leur écartait les cheveux sur le front, leur prenait les mains et les gardait entre les siennes, allait les écouter dormir, veillait à ce que leurs vêtements fussent en bon état. Enfin, elle semblait quelque vieille poule soignant les poussins d'une autre. Quand ils partirent, elle pleura. Pour le coup, ses sept enfants se fâchèrent, et ils lui adressèrent des reproches. Ils étaient jaloux. « Sont-ils du même sang que nous pour que tu te lamentes du départ de ces haussouaires, étranger, que tes sept enfants ne te suffisent plus ? Tu n'en as que pour eux, et les voilà dételés, sans qu'ils t'aient tant seulement payé d'un merci madame. » Ernaud mourut à la Saint-Michel dernière, et dans un mois on embauchera à la ferme, pour les moissons d'août. Il en viendra de Pleurtruy, de Ploubalais et de Plouer, de Saint-Cast et de Saint-Jacut, des solides et des malingres, des paresseux et des braves, et Jacquemine, entre eux, choisira. Mais pour ce qui est de ceux de Saint-Brieuc, où est l'asile des enfants trouvés, elle ne choisira pas, elle les engagera tous. Et s'ils ont 22 ans, ni plus ni moins, et au prix qu'ils y mettront encore. Ernaud n'est plus là pour parer à ce vertigo de charité. Et si les sept enfants se fâchent, les sept enfants se fâcheront. Il n'en ira ni mieux ni pis, et ce sera tout comme. Voici pourquoi. Il y a 22 ans, Jacquemine n'était pas encore mariée ni veuve. Elle s'appelait Morisot, du nom de ses pères et mères, et elle était jeune fille, belle jeune fille, voire. Les anciens se la rappellent, et ils l'ont encore dans les yeux. Sans compter qu'elle était aussi vive et chansonnière en ce temps-là, qu'elle est aujourd'hui triste et taciturne. Un voyageur de commerce qui vendait des rubans et des fanfreluches la rencontra, une vesprée, au détour d'une sente. Il l'enjôla, lui donna des cravates de couleur, et finalement la poussa sur une botte de paille. Ce qu'il est devenu, nul ne le sait, et personne n'en a cure. Il faut que jeunesse se passe. Papa Morisot, d'ailleurs, n'en fit que rire, et la mère de même. Seulement, quand l'enfant arriva, 9 mois après, au jour requis, ils scellèrent l'âne, mirent l'enfant dans une manne et allèrent le porter à Saint-Brieuc, où il y a un hospice pour les malvenus. Au retour, ils embrassèrent leur chère Jacquemine, la soignèrent, la guérirent, et quand elle fut sur pied, fraîche comme une rose et svelte comme un jonc, ils la marièrent à Pierre Ernaud, qui en était féru, et proprement en dépérissait. Mariage heureux s'il en fut, et fameux dans tout le pays pour la suite de ses prospérités. Ils eurent 7 enfants l'un de l'autre, tous forts, bien portants et avisés comme pas un. Mais Jacqueline ne pense qu'à l'autre, l'enfant perdu est le premier. Ô terre immense, où est-il, l'aîné, l'enfant de l'amour. Lu par Sabine pour audiocité.net. Sous la licence Art Libre.